Au revoir, Monsieur Chips. Par James Hilton. Chapitre 1er. Lorsqu'on avance en âge, sans être malade bien entendu, on est parfois très somnolent, et les heures semblent passer avec la lenteur d'un bétail paresseux qui se meut dans un paysage. Il n'en était ainsi pour Chips, tandis que le trimestre d'automne s'avançait et que les jours raccourcissaient au point qu'il faisait maintenant assez noir pour qu'on allume le gaz avant l'appel. Car Chips, tel un vieux capitaine au long cours, mesurait encore le temps d'après les sonneries de son passé. Et cela lui était facile, puisqu'il habitait chez Madame Wickett, de l'autre côté de la route, juste en face de l'école. Il y était depuis plus de 10 ans, depuis qu'il avait fini par renoncer à l'enseignement. Et c'est l'heure de Brookfield, bien plutôt que celle de Greenwich, qu'ils observaient, sa propriétaire et lui. Madame Wickett, lançait Chips, de cette voix brusque au perché, qui gardait encore pas mal de sa vivacité. « Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter une tasse de thé avant l'étude ?» Lorsqu'on avance en âge, il est agréable de s'asseoir au coin du feu pour boire une tasse de thé en écoutant la cloche de l'école sonner le dîner, l'appel, l'étude et l'extinction des feux. Chips remontait toujours sa pendule après ce dernier coup de cloche. Ensuite, il mettait le garde-feu devant la cheminée, éteignait le gaz et emportait un roman policier pour le lire au lit. Il avançait en âge sans être malade, bien entendu. Comme disait le docteur Merriwale, il n'avait vraiment rien. « Mon cher ami, vous êtes plus solide que moi !» affirmait celui-ci en dégustant un verre de Xérès quand il venait voir Chips tous les 15 jours environ. « Vous avez passé l'âge auquel on attrape les affreuses maladies, et vous êtes un de ces rares vénards qui meurent de mort naturelle. Du moins, si vous mourrez un jour, cela va de soi. Vous êtes un vieux bonhomme si remarquable, sait-on jamais ?» Mais quand Chips avait un rhume, ou que le vent d'est se soufflait sur les marais, Merriwale prenait quelquefois Madame Wickett à part dans le vestibule et lui chuchotait. « Veillez bien sur lui, vous savez sa poitrine. Cela lui fatigue le cœur. Il n'a aucun organe réellement malade, uniquement Anno Domini, mais finalement, c'est la pire des maladies. » « Anno Domini, oui, par Jupiter. Né en 1848, Chips pouvait même se rappeler Brookfield à l'époque de Weatherby. Ça, c'est un phénomène. Weatherby était un vieillard dans ce temps-là, en 1870, date facile à retenir à cause de la guerre franco-prussienne. Chips avait aimé Brookfield presque tout de suite. Il se rappelait le jour de son premier entretien avec le directeur. Une journée ensoleillée de juillet, un air chargé du parfum des fleurs et le plic-ploc de la balle de cricket. Weatherby s'était montré très paternel et fort courtois. Il devait déjà être malade à cette époque, le pauvre homme, car il était mort pendant les grandes vacances avant que Chips commençât son premier trimestre. Mais du moins, il s'était vu et parlé. Souvent, assis devant le feu chez Madame Wickett, Chips songeait. « Je suis probablement la seule personne au monde qui garde un souvenir vivant du vieux Weatherby. » Oui, vivant. Il évoquait fréquemment l'image de ce jour d'été, avec le soleil filtrant à travers la poussière dans le cabinet du directeur. « Vous êtes jeune, Monsieur Chipping, et Brookfield est un établissement ancien. La jeunesse et l'âge s'accordent souvent bien. Donnez toute votre ardeur à Brookfield, et Brookfield vous accordera quelque chose en échange. Et ne permettez à personne de vous jouer des tours. Je crois savoir que la discipline n'a pas toujours été votre fort à Melbury. Mon Dieu, peut-être que non, monsieur. Peu importe. Vous êtes dans toute la force de la jeunesse, et c'est surtout affaire d'expérience. Une nouvelle chance s'offre à vous ici. Adoptez dès le début une attitude ferme, tout le secret est là. » Peut-être était-ce vrai. Il revoyait cette première et terrible épreuve qu'avait été l'étude. Un crépuscule de septembre, il y avait plus d'un demi-siècle de cela. Le grand hall rempli de barbares effrontés, prêts à fondre sur lui comme sur une proie à eux destinée. Sa jeunesse, son teint frais, son col très haut, ses favoris, mode singulière de cette époque lointaine, à la merci de 500 garnements déchaînés pour lesquels les nouveaux maîtres étaient un appât alléchant, représentaient un art d'agrément, un sport passionnant et une sorte de tradition. De gentils petits diables, pris un à un, mais en bande, implacables et sans pitié. Le silence soudain qui se fit quand il prit sa place dans la chaire surélevée, l'air sévère qu'il affecta pour cacher sa nervosité, la grande horloge qui faisait entendre son tic-tac derrière lui, et l'odeur d'encre et de vernis, les derniers rayons rouges sang du soleil qui se glissaient obliquement par les vitraux des fenêtres. Quelqu'un fit tomber un couvercle de pupitre. « Vite, il faut prendre tout le monde par surprise, il s'agit de montrer qu'on ne se moquera pas de lui. Vous là-bas, au cinquième rang, vous, le garçon cheveux roux, comment vous appelez-vous »« Collet, monsieur. » »« Très bien, Collet, vous me ferez 100 lignes. » Pas le moindre désordre après cela. Il avait remporté sa première victoire. Des années après, alors que Collet était alderman de la cité de Londres, baronnet et diverses autres choses, il avait envoyé son fils, roux lui aussi, à Brookfield et Chips disait à celui-ci « Collet, votre père a été le premier élève que j'ai eu à punir quand je suis arrivé ici, il y a 25 ans. Il l'avait mérité, et aujourd'hui, c'est votre tour de le mériter. » Quel rire général, et comme Sir Richard éclata de rire, quand son fils, dans sa lettre du dimanche suivant, lui raconta l'histoire. Et des années, bien des années après, il y eut une autre plaisanterie encore meilleure. Car un autre Collet venait d'arriver, petit-fils du premier Collet, et Chips lui dit en ponctuant ses phrases de ses petits « mm-hmm » qui étaient à cette époque devenus une habitude chez lui, « Collet, vous êtes un magnifique exemple des traditions héréditaires. Je me souviens de votre grand-père. Il n'a jamais pu se fourrer dans la tête l'ablatif absolu. Un peu bouché, votre grand-père, et votre père aussi, je me le rappelle. Il était assis à ce pupitre tout là-bas contre le mur. Il ne valait pas beaucoup mieux. Mais je crois, mon cher collègue, que vous êtes le plus fameux cancre du trio. » Formidable éclat de rire.